Merci Maëlys et à lundi pour une nouvelle semaine d'Entendez-vous l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre série consacrée à Shakespeare dans la compagnie des auteurs, une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal et Pierrick Monsigny. Si la vie de Shakespeare comporte de nombreuses zones d'ombre, elle est tout de même mieux documentée que celle des autres dramaturges de son époque. On sait qu'il s'est marié à 18 ans de façon précipitée à une femme qui portait déjà son premier enfant. Il aura ensuite des jumeaux et puis on perd sa trace pendant une dizaine d'années au cours desquelles il aura peut-être été précepteur. On le retrouve ensuite à Londres, dramaturge et actionnaire du fameux théâtre du Globe. Il finira ses jours à Stratford-upon-Avon où il était né 52 années plus tôt. Tout cela et bien d'autres choses, nous l'avons vu dans notre émission introductive, c'était avec Jean-Michel Desprats et Gisèle Venet. Mardi, avec François Larocque, nous avons parcouru quelques-unes des entrées de son dictionnaire amoureux de Shakespeare, et notamment les mots absence, Angleterre ou encore pièce écossaise. Enfin, hier, avec Georges Banu, nous sommes revenus sur la mise en abîme du théâtre dans les pièces de Shakespeare, ainsi que sur certaines mises en scène, par Peter Brook notamment. Et aujourd'hui ? Ce que nous voulons, à l'heure actuelle, et ce que veut, je crois, le lecteur d'aujourd'hui, c'est avoir de l'homme rendu avec le plus de force. Et la plus grande expression possible, je vais tomber évidemment dans le grand, grand bonhomme, il n'y en a qu'un, il y a Shakespeare. Eh bien, on en revient à Shakespeare. Eh bien, Shakespeare a réuni tout le drame humain en lui-même. Oh, June, my foe, I lost thou frown on me. Et oui, on en revient toujours à Shakespeare, comme le dit ici Simenon. Et on va y revenir encore aujourd'hui pour cette dernière émission. En seconde partie, nous reposerons la fameuse question polémique concernant la paternité des pièces de Shakespeare et le spectre du fameux John Florio. Mais pour commencer, nous sommes en compagnie de Pascal Drouet, professeur de littérature britannique à l'université de Poitiers, spécialiste de la Renaissance anglaise et du grand dramaturge. Elle est l'auteur de plusieurs essais, dont celui intitulé « De la filouterie dans l'Angleterre de la Renaissance, études sur Shakespeare et ses contemporains ». C'est aux éditions des presses universitaires du Mirail et c'est paru en 2013. Mais avant de la retrouver, je vous propose de nous mettre un peu dans l'oreille le texte de Shakespeare avec cet extrait de Richard II, interprété par Guillaume Gallienne, Florence Viala et Éric Ruff. Monseigneur. Je ne suis pas ton seigneur insolent qui m'outrage, ni le seigneur de personne. Je n'ai pas de nom, pas de titre. Non, pas même ce nom qui me fut donné au baptême qui ne soit usurpé. Hélas, jour de douleur. Avoir traversé tant d'hivers sans savoir à présent de quel nom m'appeler. Oh, que ne suis-je un simulacre, un roi de neige, debout devant le soleil de Bolingbroke, pour me fondre en gouttelettes d'eau et disparaître. Bon roi, grand roi, sans grande bonté cependant, si ma parole a encore cours en Angleterre, qu'elle fasse porter ici un miroir sur le champ, pour que je puisse y voir comment est mon visage, maintenant que sa majesté a fait banqueroute. Que l'un de vous aille chercher un miroir. Lisez ce papier en attendant le miroir. Démon qui me tourmente avant que je sois en enfer, j'en lirai bien assez. Assurément, rien qu'à voir le livre même, où tous mes péchés sont écrits, car ce livre, c'est moi. Donnez-moi ce miroir que j'y lise. Oh, n'ai-je donc pas encore de rides plus profondes? La douleur m'a donc frappé tant de fois au visage, sans y laisser blessure plus profonde, ô miroir flatteur. Comme mes courtisans pendant les jours prospères, tu me trompes. Est-il ce visage le même visage qui chaque jour entretenait sous son toit 10 000 hommes? Est-ce bien ce visage jadis semblable au soleil faisant siller qui le contemple? Ce visage qui, à tant de folie, fit riant visage avant que l'éclipse enfin le visage de Bolingbroke. Une gloire fragile brille sur ce visage, fragile comme la gloire est le visage. Car le voilà brisé en cent éclats. Note, roi silencieux, la morale de ce jeu. Que ma douleur bien vite a détruit mon visage. Un extrait de l'acte 6, scène 1 donc, de Richard II. Bonjour Pascal Drouet. Bonjour Mathieu Gargoux-Lagrange. Richard II est une pièce que vous appréciez particulièrement, je crois. Oui, tout à fait. Je vous ai vu prendre des notes à l'écoute de cet extrait. Oui, ouais, j'aime beaucoup cette scène de la destitution et cet épisode du miroir. Et je pensais que ce qui était intéressant, c'est que le miroir va se briser en 1000 éclats. Et donc il ne retrouve plus son identité. Et cet éclatement identitaire, eh bien étonnamment, va nous ramener. Une fois que Richard II est destitué, donc il n'est plus rien. C'est un gueux, il chute en bas de l'échelle sociale. Et étonnamment, eh bien en bas de l'échelle sociale, avec ce miroir brisé en mille éclats, il évoque les filous, les vagabonds de l'Angleterre élisabéthaine. Car nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler précisément de la filouterie. En se demandant d'abord ce qui vous a donné l'envie de vous intéresser à cette question des filous, non seulement chez Shakespeare, mais aussi chez d'autres dramaturges qui étaient ses contemporains. Oui, alors la filouterie, c'est un intérêt qui m'est personnel d'abord. Ah bon? Racontez-nous ça. Pas que je sois une filoute moi-même, pas du tout. Mais j'ai découvert en fait la filouterie avec mon professeur Francis Guin à Lyon. Il avait mis la pièce de Shakespeare, Le Comte d'Hiver, au programme. Et la même année, je suivais aussi une licence d'espagnol où les romans picaresques étaient de programme. Et il y a une convergence magnifique entre la filouterie de l'Angleterre élisabéthaine et entre les héros picaresques de l'Espagne du siècle d'or. Et j'avais aussi beaucoup d'intérêt pour Ulysse aux mille ruses et puis pour le roman de Renard. Alors là, il y avait un faisceau convergent. Et alors, naturellement, je me suis demandé d'où vient cet intérêt pour la filouterie que je retrouvais dans la littérature. Ça vous a intrigué? Vous êtes interrogé sur vous-même? Je me suis demandé, qu'est-ce qui te plaît quand tu lis toutes ces histoires de filous? Parce qu'au fond, ce sont quand même des petits filous répréhensibles par la loi. Et donc, ce que j'admire chez ces individus interlopes, c'est une attitude face à la vie, une audace, une sorte de résistance, une non-soumission aux lois et aux règles, et l'idée, l'esprit de la débrouillardise, ce que les Grecs ont appelé, alors on le sait maintenant depuis le célèbre livre de Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, Les Russes de l'intelligence, que les Grecs ont appelé la métisse. Mmh. Donc des êtres de métisse qui, dans l'univers mouvant de la vie, vont vivre d'expédients, de débrouillardise. Et aussi, je me demandais mais d'où vient cet intérêt. Et je me souviens que quand j'étais petite, en fait, grâce à mes parents, j'ai passé mon enfance au Sénégal. Et là, tous les jours, c'est un pays quand même assez pauvre. Les gens vivent d'expédients. Et alors, il y a un art de la débrouillardise extraordinaire, ce qu'ils appellent la débrouille. Et donc, comment de rien faire quelque chose? Comment survivre avec des astuces? Et il y a là une ingéniosité qui me parle et que j'ai eu envie de retrouver à travers la littérature. Alors à chacun son filou, hein, pourrait-on dire. Parmi les différents dramaturges que vous avez étudiés, il y a différentes manières de représenter ces personnages de filou. Peut-être peut-on évoquer un peu rapidement les différentes façons que les différents écrivains, dramaturges ont eu de les représenter. Oui, je voudrais pas non plus donner l'impression de tomber dans une représentation un peu naïve et utopique de la filouterie. Hein. Les filous sont plus ou moins sympathiques selon les dramaturges qui les mettent en scène. Alors, à l'époque de Shakespeare, ce sont surtout les pamphlétaires qui s'intéressent à la filouterie. Il y a toute une succession de pamphlétaires, Robert Greene, Thomas Dekker, John Audley, et qui vont en fait utiliser ce genre du pamphlet contre les filous, eh bien pour faire de l'argent, parce que c'est à la mode. Et donc, ils vont détailler par le menu les agissements des aigrefins, donc voleurs à la tire, pickpockets, crocheteurs de serrure, tricheurs de cartes professionnels. Avec une volonté de les dénoncer, avec une volonté de les jeter alors, comme ça. C'est assez ambigu. Hein, le pamphlet est souvent dédié à la... Il y a toujours une en tête, quelque chose de civique. On le dédie à la nation. Donc, on les dénonce, mais en même temps, la voix narrative trahit une jubilation hein, en dénonçant cette astuce qu'ont ces petites gens de créer un commerce parallèle et de truander les naïfs et les dupes. D'ailleurs, les truands, c'est vrai que ce sont des personnages qu'on retrouve aujourd'hui à peu près dans toutes les fictions. Il n'y a pas tellement de différence, finalement, dans le traitement qu'on faisait de ces filous il y a 400 ans et dans celui qu'on a fait ensuite et qu'on continue peut-être de faire aujourd'hui, Pascal Drouet ? Tout dépend de l'envergure du filou, si je puis dire. le petit filou, ce qui est intéressant, je vais juste me prononcer pour l'époque de Shakespeare, ce qui est intéressant à l'époque de Shakespeare, et ce que Shakespeare nous dit dans son théâtre, c'est que ces petits filous, bien sûr, ils ne sont pas dans les clous, ils enfreignent les règles de la société, mais il y a une perspective relativiste, c'est-à-dire que leurs infractions par rapport à ce qui peut se jouer, par rapport aux abus de pouvoir qui peuvent se jouer dans les sphères aristocratiques ou dans les sphères du pouvoir sont quand même assez dérisoires. Donc, c'est toujours des petits filous chez Shakespeare ? Alors, pour moi, les filous, ce sont les filous du petit peuple. On peut appeler les grands filous, mais j'emploierai un autre terme, c'est ceux que j'appelle les Machiavel. Mm-hmm. Les Richard III, les Iago, voilà. Mais pour moi, on entre dans une ruse plus politique, plus stratégique. Plus sanglante aussi. Plus sanglante, plus... Oui, et puis qui n'est pas d'une nécessité première. C'est souvent l'ambition, le pouvoir qui fait que ces individus vont contourner la loi et pratiquer des abus. Il y en a beaucoup, alors, de ces personnages chez Shakespeare, de petits filous ? Alors, il y a beaucoup plus de grands filous. Il y a beaucoup plus de grands filous. Des petits filous, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Autolycus dans Le Conte d'Hiver. Il y a naturellement Falstaff dans la première et la deuxième partie d'Henri IV, puis revient dans Les Joyeuses Commères de Windsor. Dans les trois parties d'Henri VI, nous avons Simcox. Dans Mesure pour mesure, il y a le proxénète Pompey Bum. Il y en a quelques-uns, mais ce ne sont pas ceux-là qui intéressent plus particulièrement Shakespeare. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, il y a un contexte historique qu'il faut un petit peu rappeler pour comprendre la place de ces filous chez Shakespeare. C'est d'abord que la reine Élisabeth légifère par deux fois, je crois, en 1572 et en 1597 contre les vagabonds. Donc ça ne naît pas de rien quand même, cette peinture chez Shakespeare des filous. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci de rappeler ces deux dates qui sont vraiment essentielles. Alors en fait, Élisabeth s'inscrit dans une continuité. Hein. Henri VIII avait déjà mis en place des lois contre les vagabonds. Mais ces lois se durcissent sous l'époque d'Élisabeth Ier et puis vont continuer sous Jacques Ier. C'est-à-dire que dans la société très hiérarchisée qu'est l'Angleterre de la Renaissance, on n'aime pas ces individus qui ne filent pas droit. Mmh. Et donc, ces filous, ce sont ceux qu'on a appelés les masterless men, donc les hommes sans maître. En fait, ils sont sans ancrage géographique, sans maître, sans idéologie, sans toit, sans métier. Donc, ce sont des sans feu ni lieu. Et ils prolifèrent. Ils prolifèrent pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, la réforme agraire, ce qu'on a appelé les enclosures. Hein, donc, en fait, quand on a privé les paysans de leur lopin de terre où ils faisaient pousser leurs légumes, hein, puisqu'on a enclos ces territoires pour favoriser l'élevage de moutons. Suite à la réforme avec le schisme d'Henri VIII, eh bien les monastères ont été fermés, donc plein de petits métiers ont disparu, hein, avec les monastères. Les pauvres n'ont plus été secourus. La fin des guerres fait que la démobilisation livre plein de soldats à eux-mêmes et ils se retrouvaient uniquement avec leur uniforme et leurs armes. Donc, si vous voulez, il y a toute une population comme ça interlope qui prolifère et dont sans doute on exagère la prolifération avec cette idée de quadriller, voire d'enfermer, mais de contrôler ces individus disparates qui, bah, pour survivre, vont bien devoir recourir à des menus larcins. Donc Shakespeare les décrit d'une certaine façon sans pour autant sembler donner une opinion sur ce qui se passe politiquement à leur endroit dans le pays. Alors, Shakespeare est toujours très habile. Il fait toujours entendre le pour, le contre et ne prend pas parti. Mais je pense quand même qu'il fait entendre ici une opinion. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple d'Autolycus, cet individu, si on le resitue dans son contexte, il est passible du pilori, des cèpes, de la pendaison. Donc, tout l'arsenal punitif mis en place sous Élisabeth Ière, hein, on les marquait aussi au fer rouge pour les identifier. Le corps devenait lisible. On les déportait, on les condamnait aux galères. Et puis... ultime châtiment, on les pendait. C'est un peu ce que Michel Foucault appelait les pauvres insoumis. Exactement, c'est ce qu'il appelle la pauvreté insoumise dans l'éloge de la folie. Et donc, c'est cette insoumission, au fond, qui est intéressante. Et donc, Shakespeare connaît bien sûr ces lois, puisqu'il y fait allusion via son personnage d'Autolycus dans le Conte d'hiver, mais il fait d'Autolycus un personnage éminemment sympathique. Un personnage comique, sympathique, qui ne sera pas du tout inquiété par la loi et qui va même partir avec ses poches pleines de goussets. Justement, écoutons un extrait rapide du Conte d'hiver. La vie ne peut pas être laide tant qu'il y aura des filles et des parties de dés. On soutient les unes, on pipe les autres, et le tour est joué. On devient colporteur, on parcourt la campagne, les jobards se collent à votre fourniment. Admirable prétexte aux plus subtiles pirateries, croyez-moi. Le tout est de se bien connaître. Pour moi, j'ai comme une tendance à n'être pas extrêmement vaillant. Faiblesse bien humaine. Que celui qui n'a jamais tremblé devant une potence me jette la première pierre. Les embuscades au détour des chemins, les assauts, les bagarres ne sont pas mon affaire. La tendreté de ma peau répugne au coup de poing. Et j'ai le nez trop fin pour l'odeur de la corde. Quant à la vie future, si la pensée m'en vient, je la chasse en dormant. Voyons. Oh, un client pour moi. Voyons. Un extrait du Conte d'hiver par les sociétaires de la Comédie-Française, Pascal Drouet, en 1961. Une scène dans laquelle on retrouve le personnage d'Autolycus, qui est donc le roi des filous. Pourquoi vous intéresse-t-il en particulier? Vous lui consacrez beaucoup de pages dans votre essai. Eh bien, il m'intéresse pas uniquement parce que c'est un filou sympathique. Il m'intéresse aussi parce que c'est un personnage qui fait preuve d'autodérision. Contrairement au Machiavel, dans le Conte d'hiver, on peut mettre, je l'ai fait dans ce livre, on peut mettre en contraste, en rapport, le roi Léonte ou Léontès, hein, qui est un roi qui devient tyrannique, souffrant des affres de la jalousie, et qui se prend très au sérieux. Mmh. Et ce petit truand, donc le roi va faire couper les têtes, et pendant que le petit truand, lui, ne fait que couper les bourses. Et il a un sens de l'autodérision, comme on l'a entendu dans cet extrait. Et c'est ça aussi qui le rend sympathique. Et ce personnage m'intéressait aussi parce qu'au fond, c'est une figure de l'acteur. Il aime le langage, il aime se mettre en scène. Les filous sont des conteurs, de toute façon, puisqu'ils vous embobinent. Ce sont des affabulateurs de premier ordre, tout à fait. Et donc, il y a cette jubilation. Je crois aussi que c'est pour ça que ce sont des personnages qui sont sympathiques à leurs auteurs. C'est parce qu'ils partagent ce goût de la langue et cette capacité à jouer de différents registres de langue. Donc Shakespeare va jouer avec le burlesque dignifiant, avec Autolycus, et nous montrer qu'en fait, c'est un acteur né. Donc Autolycus est d'une certaine manière le miroir de Léonte, et c'est sa fonction que de montrer qu'il y a diverses manières d'être un filou dans la société de l'époque. On peut peut-être rappeler un petit peu de quoi parle le conte d'hiver, et justement ce personnage de Léonte, qui est donc le double pour vous d'Autolycus. Oui, alors vous avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel chez Shakespeare, c'est-à-dire que, bon, on le sait depuis Voltaire et ses lettres philosophiques, on a reproché à Shakespeare de mettre dans une même pièce des personnages nobles, des personnages du peuple, de mêler des registres différents. Même dans les tragédies, on trouve toujours des épisodes comiques, donc Voltaire parlait de farces monstrueuses et bouffonnes, avec, là encore, aucune unité aristotélicienne, et ses intrigues, une intrigue principale, une intrigue secondaire. Autolycus et le roi Léonte ne se croisent jamais sur la scène pendant le conte d'hiver. Or, ce qui est intéressant chez Shakespeare, c'est que on n'a jamais une juxtaposition entre l'intrigue secondaire et l'intrigue primaire. Il y a toujours un lien, un effet de miroir grossissant entre l'intrigue secondaire et l'intrigue principale. Et effectivement, Autolycus tend un miroir déformant, un miroir grossissant à Léonte. Alors, pour répondre à votre question, qui est Léonte? C'est le roi de Sicile qui, soupçonnant injustement sa femme d'adultère avec son meilleur ami Polyxène, va devenir tyrannique et va bafouer les lois, va bafouer l'oracle qui lui dit que sa femme est chaste et ne l'a pas trompée, et qui, par ses excès de tyrannie, va en venir à des abus de pouvoir qui font que sa femme, alors croit-on, va mourir et qui va aussi produire la mort de son fils Mamilius. Donc si vous voulez, la première partie de la pièce nous présente exclusivement des personnages aristocratiques et nous montre le dysfonctionnement que crée un abus de pouvoir généré par un fantasme masculin à la cour de Sicile. Ensuite, intervient le cœur, c'est-à-dire le temps, et qui nous explique extraordinairement que 16 ans ont passé, oui, et que nous nous retrouvons en Sicile, où l'enfant à qui vient de donner naissance la reine injustement accusée a été déporté, a été exilé par le roi, pensant qu'il s'agissait d'un enfant bâtard. Et donc Shakespeare veut voir ce qu'est devenue cette jeune fillette déportée, donc nous la retrouvons à 16 ans, sur la terre de Bohême. Et sur la terre de Bohême, qui est une terre présentée, alors ça s'appelle pas Bohême par hasard, hein, donc on y trouve des individus de tout poil, hein, des prédateurs, une sorte de promiscuité, des lieux permissifs. Donc nous retrouvons cette jeune femme qui a été élevée par des bergers, et nous rencontrons cet Autolycus qui prospère parmi les paysans et qui les dépouille dès qu'il en a la possibilité. Donc il y a donc cette opposition entre la Sicile tyrannique de Léonte, qui va tout de même finir par se rendre compte de ses erreurs, et la Bohème qui est donc assimilée au vagabondage, qui est là encore une sorte de cliché colporté par Shakespeare, puisqu'il y a une assimilation entre Bohème, Bohémien et Tzigane, disons. Il y a quelque chose qui est presque raciste dans la manière dont Shakespeare le présente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors disons qu'en fait, oui, la Bohème, ça véhicule tout un imaginaire fantasmatique. Il faut juste se rappeler que dans la représentation hiérarchique de l'époque élisabéthaine, on avait ce qu'on appelait « the great chain of being », la grande chaîne du vivant, avec en bas les minéraux, les végétaux, et puis les hommes. Et quand commencent les hommes, eh bien, qui avons-nous tout en bas de la hiérarchie? Les voleurs, les pirates, les bohémiens et les acteurs. Hein, donc ça, c'est vraiment tout ce qui forme la lie de la société. Mmh. Alors, il se trompe, hein, géographiquement, il ne situe pas du tout la Bohème où elle est, et puis ses spectateurs probablement ne voilà, c'était pas ce qui importait. Mais c'est cette idée, c'est toujours l'idée que l'errance, c'est quelque chose qui fait peur et qui est nuisible. Mmh. Parce qu'on ne contrôle pas les allées et venues de ces individus. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de livres qui ont été écrits sur tous les personnages de Shakespeare? Ça veut dire qu'il y a quelque chose réellement inépuisable. On ne peut pas dire une fois pour tous, c'est ça Hamlet, c'est ça Othello, c'est ça le roi Lear. On ne peut pas dire ça sur tous ces personnages parce que c'est comme la vie même, c'est un mouvement en évolution. Et c'est lié au fait que personne ne peut établir, une fois pour toutes, le point de vue de l'auteur. Parce qu'on a l'impression que cet auteur-là se donne entièrement à chacun de ses personnages. Alors celui, par exemple, en ce moment, nous répétons La Tempête. Alors, notre musicien japonais, qui a un sens très profond de la tradition, de la vraie tradition japonaise, m'a dit l'autre jour, pour moi, Caliban est le personnage avec qui je m'identifie. Mais pour d'autres, Prospero, c'est Shakespeare lui-même qui dit adieu à l'écriture, adieu à la scène, adieu au monde. Et on voit qu'à vrai dire, personne ne peut, heureusement, prouver que Shakespeare soit ce livre, soit là, parce qu'il est allé au-delà de lui-même. Il s'identifie et il s'efface derrière chacun de ses personnages. C'est pour cela que, comme il s'efface totalement, il n'y a pas de barrière. Personnages de Shakespeare auxquels, selon Peter Brook, on peut facilement s'identifier. Est-ce que c'est le cas d'un autre filou, Falstaff, qui vit dans les bas-fonds, qui a une vie de débauche? Pouvez-vous nous parler, Pascal Drouet, de ce personnage-là? Alors, Falstaff est aussi un de mes personnages favoris. Il faut dire que j'ai été beaucoup influencée par l'adaptation cinématographique que Wells en fait en 1967, où lui-même, naturellement, joue Falstaff. Pardon, un Falstaff éminemment sympathique. Il ne l'est pas toujours, parce que dans certaines représentations, qu'on peut voir notamment à Stratford, j'ai vu plusieurs représentations des pièces d'Henri IV, où Falstaff est vraiment très différent, peut-être... peut devenir assez antipathique, donc tout dépend de l'acteur qu'il incarne. Là encore, ce qui m'intéresse chez ce personnage, et c'est là qu'on peut faire le lien avec Autolycus, c'est un affabulateur. Mmh. Il aime, comme vous le disiez, raconter des histoires. Il a une jubilation de la langue. Il aime le langage, il raconte des histoires. Et d'où vient cette étrange, alors amitié entre guillemets, hein, avec le prince, c'est qu'il le divertit. Mmh. Et là encore, Falstaff a l'art de jouer de différents registres de langue. Il présente un numéro d'acteur quand il raconte le vol, le double vol de Gatsil, où il est déguisé, il est attaqué par des hommes en bougrant qui vont se démultiplier, jusqu'à ce que le prince lui dise « mais tu nous racontes n'importe quoi, c'était moi qui étais déguisé, donc je sais bien que tu n'as pas conservé le butin ». C'est un numéro d'acteur, et comment manifeste-t-il sa joie? Quand il sait que le butin est en lieu sûr, puisque c'est le prince qui l'a, il lui dit « shall we be merry, shall we have a play extempore ?»« Soyons joyeux, montons une pièce improvisons. » Et là, il joue, il répète la rencontre du prince face à son père le lendemain, et ils jouent tous les deux rôles, et donc c'est à nouveau, c'est une mise en abîme de l'amour du théâtre. Mais alors, il est ami avec le prince, mais quand le prince devient roi, il est moins question pour lui d'aller s'encanailler dans les bas-fonds de Londres. Et là, le prince, finalement, décide de nettoyer ses quartiers. J'emploie à dessein un mot assez fort. Et il ne reconnaîtra plus Falstaff. Est-ce que ça signifie quelque chose pour Shakespeare, le destin de Falstaff? Alors, c'est-à-dire que on peut avoir une sympathie pour ces filous, pour ces truands, mais il ne faut pas non plus qu'ils remettent en cause la hiérarchie et l'ordre social. Et donc, si vous voulez, c'est toujours à double sens. En même temps, son théâtre nous montre que les lois qui punissent ces individus sont presque démesurément sévères, et donc la pendaison est un châtiment bien trop sévère, mais en même temps il nous montre que voilà, il faut quand même pas trop remettre en cause l'ordre établi. Et dans cette amitié, c'est pour ça que je disais que c'est une amitié entre guillemets, entre Falstaff et le prince, le prince manipule un peu son ami, et on le voit d'ailleurs dans les écarts de langage. Le prince, en principe, s'exprime en pentamètre iambique, et quand il se rend dans la taverne où il va festoyer avec Falstaff, il se met à parler en prose. Et qu'est-ce qu'il fait en prose? Il engage la conversation avec les taverniers et puis les petites gens qui sont dans la taverne, parce qu'il veut savoir qui vont être ses futurs sujets. Donc, si vous voulez, il y a une stratégie de connaissance qui passe par la fréquentation de Falstaff. Merci beaucoup Pascal Drouet. Je rappelle merci à vous. Votre essai « De la filouterie dans l'Angleterre de la Renaissance » paru en 2013 aux éditions des presses universitaires du Mirail. Il faut également signaler que vous avez dirigé avec Philippe Grosso l'ouvrage intitulé « Shakespeare au risque de la philosophie » chez Hermann en 2017. Il s'agit des actes d'un colloque de 2016. Tout de suite, la chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique du jeudi que nous confions, vous le savez, à de grands lecteurs, généralement universitaires, qui viennent nous livrer à la fois leur regard sur l'auteur dont nous parlons toute la semaine et aussi signaler une actualité culturelle. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du poète, agrégé de lettres modernes et spécialiste d'Aragon, Olivier Barbaran. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Sur Shakespeare d'abord, Olivier, que vous avez, j'en suis sûr, relu entièrement pour cette émission. Vous l'avez relu à la lumière de Paul Claudel. Bien évidemment, je vais commencer par une formule dont il m'amuse de voir que c'est le même terme qui est repris par Claudel et par Simenon. Nous ne sommes pas concertés. Shakespeare est tout de même un très grand bonhomme. Alors vous doutez bien que c'est pas moi qui me permet une sorte de désinvolture. Mais tout le monde ça, le dit, c'est presque un cliché, non ? Alors, oui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi bonhomme. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose qui, de la part des Français, dans cette bonhomie, désigne ce refus des hiérarchies qui caractérise cette esthétique, qui met en péril peut-être une sorte de vision française. Mais quand Claudel en parle en connaissance de cause. C'est vraiment une immense admiration. Et je crois qu'on ne comprend pas, par exemple, le génie de Tête d'Or si on ne se dit pas que c'est bien là un jeune adolescent qui a lu à la fois Eschyle et Shakespeare et qui les secoue dans un shaker et qui en sort cette jubilation et cette puissance lyrique considérable. Il est plus précis, Claudel. Il nous dit aussi ceci qui me paraît pouvoir expliquer en grande partie, au-delà même de tout ce qu'on sait du génie de Shakespeare, l'importance qu'il peut avoir pour les poètes. À partir du Conte d'hiver, dit-il à Jean Rouche, Shakespeare coupe son vers, non pas suivant l'inspiration, mais pour ainsi dire, une rupture qui cause une espèce d'hémorragie du sens. Il brise le vers à des endroits tout à fait inattendus. Cette formulation de l'hémorragie du sens, à mon avis, n'a pas fini de nous parler jusque dans la modernité et concerne, je crois, aussi les poètes d'aujourd'hui. Alors il se trouve que Claudel est pour moi d'actualité aussi, puisque j'avais envie de vous faire partager mon enthousiasme pour les lettres haïsées. Et Claudel, qui d'ailleurs parle de Shakespeare dans les fameux entretiens qu'il a donnés à Jean Amrouche, avez-vous en tête ce qu'il disait en particulier dans ces entretiens-là? Eh bien, je viens de vous en faire une citation, je peux vous en refaire une autre. Il nous dit cette chose splendide aussi, il explique que Shakespeare a toujours été une admiration, que vieillissant, il commence à réadmirer un peu Racine, mais tout de même, Shakespeare est un très grand bonhomme. Et il en vient à dire cette chose qui me touche beaucoup, parce que c'est vrai que l'une de mes préférences, c'est pour Conte d'hiver. Et il nous dit, Shakespeare a commencé par la comédie, a passé par le drame et est arrivé finalement à une espèce de vision béatifique, un peu celle de Beethoven. On le voit dans ses dernières œuvres, elle correspond à une prosodie très particulière. Et donc, il embraye sur ce conte d'hiver et ce vers tout particulier qui, à mon avis, n'a pas fini de nous parler. Alors, Claudel, à présent, donc c'est une actualité qui date d'il y a quelques mois. Je crois que c'est novembre dernier. Les lettres à Isée parues chez Gallimard. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que les lettres à Isée, 190 lettres, sont une œuvre qui ne se résume pas pour moi au document qu'il ça pourrait être qu'une entrée dans une correspondance privée de Claudel avec Isée. Isée, le personnage du partage de midi, celle qu'on retrouvera sous le nom de Prouesse dans le soulier de satin et qui est la femme plus ou moins cachée mais bien connue de nous, qui était la grande passion de Claudel et le modèle de ses immenses figures. Rosalie Vecht. Rosalie Vecht. On peut rappeler très rapidement l'histoire. Le jeune Claudel découvre cette femme mariée avec enfant sur un bateau en 1900, l'installe immédiatement, de façon tout à fait scandaleuse d'ailleurs, pour une vie conjugale maritale au consulat de Fuzhou où il est jeune diplomate. En 1904, il se quitte d'un commun accord, mais Rosalie disparaît. Et il y a 13 ans plus tard, en 1917, à Rio de Janeiro, l'arrivée d'une lettre de Rosalie qui renoue et qui fait renouer la passion après ses 13 ans d'absence. Ce sont ces 13 ans qui donneront lieu à la fameuse lettre qui met 11 ans à traverser l'Atlantique ou les océans dans le soulier de satin. Alors, nous avons ici la véritable Isée ou la véritable prouesse, et on fait connaissance, du coup, même si nous n'avons pas les lettres de Rosalie, les quelques lettres de Rosalie que nous avons ne nous rendent pas éminemment sympathiques. C'est une aventurière porteuse de tous les préjugés d'une bourgeoisie qu'elle surjoue parce qu'elle en est déclassée, et on comprend bien que le retour de 1917 n'est pas un retour béatifique comme Claudel le vit, mais parce que Rosalie a perdu toute ressource avec le troisième homme, après son mari et Claudel, qui l'a abandonné. Je me garderai cependant du moindre jugement moral. Enfin, elle se bat comme une aventurière dans les conditions de la condition féminine de l'époque. Néanmoins, c'est un être visiblement superficiel, et la lettre de 1904 que nous avons, qui désigne des individus dites de couleur suspecte sur le bateau, ne la rend évidemment pas éminemment sympathique. Et lui est en conflit, on le sent, entre sa foi d'un côté et puis évidemment l'adultère de l'autre. Comment vit-il cela et comment est-ce que cela Alors, il le vit avec toutes les contradictions dans les lettres. Dont on pourrait être très aisément se moquer. D'ailleurs, on en aurait le droit. Après tout, Claudel a donné suffisamment de leçons de morale pour qu'on puisse s'amuser un peu des chocs parfois étranges que sont les déclarations d'amour sublime et chaste dans une communion mystique, et puis les tentations de la chair qui se réaliseront même 17 ans plus tard par des rendez-vous secrets. On pourrait s'en amuser. On peut s'amuser aussi, et ça fait partie, je crois, de l'esthétique des lettres, du choc un peu curieux, du contraste entre les envolées théologiques et mystiques de Claudel et l'envoi du chèque de 16 000 francs, l'as-tu bien reçu, juste après la citation. Mm-hmm. Mais ça fait partie, je crois, de l'esthétique de la correspondance et de cette capacité, justement, à prendre, encore une fois, de manière, je trouve, assez shakespearienne, la totalité d'un univers. Cependant, je crois que si les lettres sont fascinantes, c'est pour deux raisons que je vais essayer de vous dire rapidement. La première, c'est que ces lettres nous renvoient constamment au rapport entre l'histoire réelle, l'histoire telle qu'elle s'est jouée, et sa transfiguration poétique. Et on est toujours saisi, lecteur, par l'inquiétude que des personnages aussi médiocres, des situations aussi banales, un adultère avec cette Rosie dans un hôtel à Londres entre deux trains, pourraient se voir dissimulés par la transfiguration poétique. Je crois que c'est l'inverse. Quelque médiocre que soit peut-être Rosalie, quelque amusant que puisse être Claudel, saisi entre ses déclarations théologiques et puis la réalité d'une passion, c'est bien cette chair, c'est bien cette tentation, c'est bien cette puissance de la chair que dit la poésie. Autrement dit, la création poétique ne vient pas dissimuler esthétiquement une réalité triviale, elle vient éliminer, purifier, décanter et nous donner la puissance de feu qu'incarne Rosalie Vetch dans sa vie et qui est tout simplement le nom de l'amour. Et les auditeurs peuvent s'en rendre compte par eux-mêmes en se procurant ces lettres à Isée chez Gallimard. Merci beaucoup, Olivier Barbaran, à bientôt. Seconde partie de cette compagnie des auteurs Shakespeare sur France Culture avec à présent le philosophe Daniel Bougnou. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu. Un commentaire ou une réaction sur ce qui a été dit jusqu'ici dans l'émission, à la fois par Pascal Drouet ou par Olivier Barbaran ? Je suis enchanté de toute cette eau qui afflue à mon moulin. Quel carnaval que la vie des grands auteurs, n'est-ce pas ? Cette hémorragie dont parlait Olivier, mais non pas seulement du sens, hémorragie de l'identité, du propre. Et puis, du côté de Pascal Drouet, bien sûr, ces identifications impossibles de William Shakespeare à aucun de ses personnages, cet art de distribuer son moi comme de la brioche, comme cela, et d'alimenter avec autant de... Je crois qu'il y a 1000 personnages chez Shakespeare. Et finalement, on n'en a jamais fini de suivre cet auteur à travers son œuvre. Il est intraçable, il est indémêlable de ce carnaval général. Donc la filouterie, moi, ma thèse, c'est qu'elle s'étend jusqu'à Shakespeare lui-même. Voilà. Donc voilà, on va y arriver. On vous connaît dans cette émission comme étant un grand spécialiste de Aragon, hein, tout comme Olivier Barbaran d'ailleurs. Vous avez dirigé l'édition des œuvres romanesques complètes dans la bibliothèque de la Pléiade, tandis qu'Olivier Barbaran dirigeait les œuvres poétiques. Mais vous ne lisez pas que les livres d'Aragon, puisque vous avez lu aussi le livre que vous qualifiez de stupéfiant de Lamberto Tassinari, intitulé John Florio alias Shakespeare, qui a été traduit en français en 2016 aux éditions du Bordelot et que vous avez préfacé. C'est dans ce livre qu'apparaît donc la thèse selon laquelle Shakespeare ne serait pas au fond l'auteur de ces pièces ou des pièces que, dites-vous, on lui attribue. On pourrait peut-être commencer, avant vraiment d'entrer dans le cœur du sujet, par dire qu'il y a un rapprochement possible avec Aragon, Shakespeare Aragon, et c'est finalement le nom d'Aragon et le nom de Shakespeare qui sont deux noms finalement très originaux qu'il ne partage avec personne. On ne connaît pas beaucoup d'autres Aragon, je ne crois pas qu'il y en ait d'ailleurs, pas beaucoup d'autres Shakespeare non plus. Disons que le nom de Shakespeare sonne comme un pseudonyme. Shakespeare en anglais c'est branle-lance. Mm-hmm. Ce nom branle. Il demande à être ébranlé, à être secoué. Peut-être. Alors c'est un nom de plume. La lance, c'est le porte-plume, n'est-ce pas? C'est le poinçon. C'est la maxime de John Florio était resolute. Mm-hmm. C'était l'escrimeur qui porte l'épée et qui va pourfendre et qui va livrer un combat loyal, mais un combat dur, un combat radical. Et j'entends dans Shakespeare sonner cette pointe. Et cette pointe qui est une arme d'écrire et de se cacher. Car John Florio est un homme plein de cautèles et Bon, il est au sommet de l'État puisqu'il est le secrétaire de la reine Anne, la femme de Jacques Ier. Et toute sa vie, il a senti qu'en tant qu'émigré italien, il était évidemment extraordinairement exposé. Donc Shakespeare serait un pseudonyme. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à dire que Shakespeare en tant que tel n'a pas existé du tout ou... Ah non. Non. Non, non, non. Et puis alors, moi je ne dis rien de beaucoup de très différent de Tassinari, dont vraiment ce livre m'a donné un choc. À partir de quoi, et c'est vrai, j'étais préparé à ce choc par Aragon, c'est-à-dire le jeu des masques, des identités, toute la problématique du mentir vrai, du let us pretend, qui est au cœur de la mise à mort. Prétend donc, faisons l'hypothèse que, et nous ouvrirons un monde plus riche, un monde plus, par la voie des masques, par la voie du poème ou de la littérature, nous ouvrirons un monde plus fort. Eh bien, j'ai trouvé chez Tassinari l'idée qu'en effet, après une très longue histoire du soupçon, n'est-ce pas? Il y a un cortège de prétendants derrière cette histoire de Florio. On a dénombré jusqu'à 80 prétendants proposés au remplacement d'un Shakespeare qui décidément ne tient pas la route en tant qu'auteur présumé de ces pièces. Alors certes, un Shakespeare entrepreneur de spectacle, régisseur, agioteur, spéculateur en grains et en terrain, et puis dans sa belle maison de Stratford qu'il a embellie au fil de sa vie, et puis son testament final. Bon, on suit très bien le bonhomme, le personnage, mais c'est un personnage très commun et que personne, chez lequel personne ne reconnaît un auteur de son vivant. Bah, Shakespeare est connu par très peu d'actes notariés, qui sont des querelles de bornage. Il est connu par 6 ou 8 signatures tremblotantes, dont 3 sur son testament. Et puis là, s'arrête. Bon, l'orthographe de son nom s'écrit assez variablement. Et il n'a aucun livre, aucun manuscrit à léguer dans ce fameux testament à sa femme et ses 2 filles restées illettrées. Alors, toute une série d'indices, sinon convergents, du moins extrêmement ébranlants, plaident pour dire que ce n'est pas là l'auteur des 36 ou 38 pièces que nous admirons tant. Alors, vous n'êtes pas le premier développer cette thèse. La première, en réalité, s'appelait Delia Bacon. Qui était cette femme? Oh, c'était une pauvre femme, au sens où elle s'est égarée. Elle est née dans le Missouri ou l'Iowa, je ne sais plus très bien. Enfin, je retrace ça dans mon livre. Bien sûr, toutes les biographies de Shakespeare passent par cet épisode d'une femme qui a prétendu que Shakespeare était écrit par Francis Bacon. Donc, elle avait cette passion. Mais sa méthodologie était un peu erratique parce qu'avec une pelle et une lanterne sourde, elle voulait déterrer la tombe à Stratford upon Avon pour y trouver, à côté du squelette, quelques manuscrits. Donc, aujourd'hui, on ne procède plus comme cela en recherche d'identité des auteurs, n'est-ce pas? Mais elle était... Bon, finalement, elle a terminé un peu folle, je le crains. Donc, son histoire n'est pas vraiment édifiante, même si elle a eu des intuitions qui ont nourri ensuite, alimenté un courant de recherche. Elle a initié, en effet, le soupçon. Après quoi, Mark Twain Sigmund Freud, mais aussi Charlie Chaplin, mais aussi Borges, ont écrit Henry à leur James, tour. Walt Whitman, etc. Beaucoup d'auteurs très éminents, et pas du tout cinglés, comme on en fait le reproche aux anti-Stratfordiens, comme on dit, beaucoup d'auteurs très éminents et très réfléchis ont douté de l'identité de Shakespeare. J'ai sous les yeux une citation de Freud. « Deux choses, écrit-il en 1922, sont susceptibles de me faire perdre la tête, la question de l'occultisme et celle de l'identité de Shakespeare. » Donc, nous avons un solide garant du côté de la psychanalyse pour développer cette recherche. Alors, John Florio, c'est d'abord et avant tout le traducteur de Montaigne. Voilà. On sait que Shakespeare est un lecteur de Montaigne. Enfin, il y a même des références assez claires au texte de Montaigne dans ses pièces. Dans la tempête. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur John Florio, son rapport à Montaigne, pourquoi pas ? John Florio est un érudit extraordinaire. C'est un Italien d'origine, mais il est né à Londres, d'un père d'origine juive, mais converti d'abord au catholicisme, puis au protestantisme, chose pour laquelle il a été émigré, donc il est venu en immigration à Londres. Et John Florio naît en 1553. C'est un native speaker, c'est un Anglais parfaitement acclimaté. Il va donner des cours à la gentry, des cours d'italien, car les Anglais raffolent de l'italien, puisque l'Italie a quelques 100 ou 200 ans d'avance dans la Renaissance, et donc l'aristocratie italienne, anglaise, se précipite sur l'Italie pour se mettre au niveau de cette brillante Renaissance qui vient de cette terre papale, détestée comme telle, mais néanmoins excellente pour les arts et les lettres. Donc Florio est un passeur, un traducteur, il pratique 7 langues. Par son père, il est follement érudit en écriture sainte, car son père parle par proverbe et par citation d'écriture sainte. Son père est un prédicateur enflammé, donc lui aussi un homme de théâtre. Et ce Michelangelo a beaucoup de vertus secrètes et intéressantes à creuser. Bref, le fils fait une carrière d'abord de précepteur, puis de diplomate. Il est embarqué à l'ambassade de France, où il côtoie Giordano Bruno, qui est réfugié à Londres à la même époque. Et puis, il accède au poste de secrétaire privé de la reine Anne. Et donc, il est au cœur du pouvoir, au cœur des intrigues. Il est aussi le maître des spectacles, des ballets, des masques qui se donnent à la cour de Jacques. Donc, il est féru de musique. Il embauche les musiciens pour le divertissement des royals et des grands. Donc, il connaît par cœur et de l'intérieur la culture de la cour. Et puis, il a une bibliothèque de 540 ouvrages, ouvrages parmi lesquels, car il en donne la liste dans son propre dictionnaire, il y a tous les pilotis des pièces de Shakespeare. D'où l'idée, traduit Montaigne. D'où l'idée donc que finalement Shakespeare serait moins cultivé que John Florio. Shakespeare qui a quand même fait une grammar school, ce qui n'est pas rien à l'époque. Et puis il y a quand même beaucoup d'éléments troublants qui vont dans un sens contraire au vôtre. Daniel Bougnou, par exemple, c'est ce qui semble être une assez grande méconnaissance de l'Italie. De gentilhomme de Vérone, Protée se rend de Vérone à Milan en bateau, ce qui n'est pas le moyen de transport le plus pratique. Donc il y a, pour un Italien, quand même, quelque chose qui paraît un petit peu étrange. Non, au contraire. La première chose à dire, c'est que Florio n'a jamais mis les pieds en Italie. Son père avait été emprisonné par l'Inquisition. Et c'était une terre interdite pour le couple du père et du fils. Mais on se rendait, et Paul Roscoe, dans un livre célèbre, je ne sais plus le titre de ce livre, L'Italie dans Shakespeare, Paul Roscoe établit qu'à l'époque, c'était par la voie fluviale qu'on se rendait entre ces deux villes. Et il y a des précisions extraordinaires de toponymes dans Roméo et Juliette, le nom d'une chapelle, ou bien dans Le Marchand de Venise, le traghetto, c'est-à-dire un endroit où on change de bateau. Et ce sont des trajets que seul un native, que n'était pas Florio, du moins quelqu'un de pénétré de culture italienne, fondu d'italianité, pouvait connaître. Et non pas quelqu'un qui, comme Shakespeare, n'avait aucun livre et n'est jamais sorti de son île. Oh, you spoke tits next with double tongue, thorny hitchhocks be not sin, newts and blind worms do no wrong. Melody singing our Alors évidemment, Daniel Bougnou, on sent bien le plaisir qu'il y a à défendre cette hypothèse, et en même temps on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce qui peut pousser à défendre cette hypothèse-là. Qu'avez-vous finalement, ou avez-vous quelque chose contre la thèse de ce que vous appelez les Stratfordiens, qui consiste simplement à dire que Shakespeare, eh bien, a écrit lui-même ses pièces? Est-ce que vous cherchez à bousculer ce qui ressemblerait à une forme d'establishment? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là quand même une manière de créer un peu de zizanie, un peu de chaos? Finalement, c'est assez shakespearien comme démarche. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on pourrait qualifier tout simplement de théorie du complot? C'est d'ailleurs ce qu'a fait mardi dernier à ce même micro François Larocque. Oui, je sais, nous sommes associés aux négationnistes, à ceux qui pensent que les chambres à gaz n'ont jamais existé, que les Twin Towers n'ont jamais sont tombés sous les coups de la CIA et non pas des c'est peut-être Shakespeare, non, etc., les Twin Towers, etc. Donc tout ça est bon, il faut écarter absolument tout ça. Moi, je n'ai pas de passion, disons, ni universitaire, j'en fais partie, ni contre un establishment qui serait. Non, je crois que ce soupçon nous enrichit Shakespeare. Ce soupçon, et moi, c'est une hypothèse. Vous l'avez dit, c'est pas une thèse. Tassinari est beaucoup trop affirmatif. Mmh. Moi, je laisse cela à l'état d'hypothèse. Je commence. Finalement, vous aimez jouer avec cette idée. C'est un jeu. Voilà, oui. C'est un jeu. Je commence avec Lewis Carroll, je continue avec Aragon, je termine avec quelques Hercule Poirot, en passant par oui, la chasse au Snark, bon, différentes. Donc non, c'est une chasse, c'est un jeu. Et Shakespeare est un Snark au sens de Lewis Carroll, c'est-à-dire que personnage extraordinaire dont je prétends que jamais son œuvre n'aurait pu sortir des maigres ressources du bourgeois de Stratford. Je le dis pour des raisons, un peu ma formation médiologique. C'est-à-dire, d'où vient l'esprit? Est-ce qu'il tombe du ciel? Est-ce que le génie est une explication? Ou est-ce que cette notion de génie n'est pas le refuge de l'ignorance? Quand on parle de génie, et quand on met en avant les maigres ressources intellectuelles du garçon qui sort de l'école, certes, de Stratford, qui paraît-il était quand même pas mal, cette école, quoique provinciale, mais enfin, il en sort à 14 ans pour rejoindre les chopes du Gantier, son père. Puis, effectivement, il y a les années perdues, les années obscur, ces années, pendant 10 ans, on ne sait pas où il va, donc on lui prête quantité de fréquentations fabuleuses pour cette mise à niveau qui fait que, entré comme fils de Gantier, il en sort comme Shakespeare, auteur de Richard III, assez tôt écrit dans sa carrière. Non, je pense que cette œuvre nécessitait des connaissances précises de l'italien. Sa Tassinari est magistrale là-dessus, notamment sur la langue. Avec son oreille italienne, il repère l'italianité dans Shakespeare. Notamment dans les mots du sexe qui, paraît-il, et selon Tassinari, seraient souvent dérivés des ouvrages pornographiques d'un auteur vénitien. Ben disons qu'il y a des jeux de mots, il y a des sous-entendus, il y a des apax, il y a des amalgames, des mots-valises dans Shakespeare, et tout cela est très, enfin, tourne beaucoup autour de l'Italie. Et on sent que dans quelle langue pensait Shakespeare? Voilà, on sent qu'il pensait dans plusieurs langues. John Floriot a traduit Montaigne, et Montaigne infuse Shakespeare. Il est italien, il a donné des cours, et l'italianité est partout dans son œuvre. Et puis il y a l'écriture sainte, la connaissance de la cour, pas une connaissance livresse, pas de l'extérieur. L'homme qui écrit les pièces de Shakespeare pratique la danse, la musique, l'escrime, la fauconnerie. On sent que c'est une pratique et non pas une connaissance déclarative, superficielle. Donc il faut tenir compte de ces conditions pour la production d'une œuvre telle que celle que nous admirons. Ce n'est pas diminuer Shakespeare, c'est le grandir que de comprendre comment il a pu assembler un tel savoir. Et quel est l'enjeu, finalement, de tout cela pour vous, Daniel Bougnou, ou pour la recherche, ou pour Shakespeare? D'enrichir notre connaissance d'un génie, la notion même de génie, d'où vient-elle? Par quelle alchimie se créent ces fabuleuses œuvres qui n'ont pas cessé de nourrir les spectateurs, mais aussi les scholars. Bon, j'écris quelque part que Shakespeare fait travailler plus de gens que la British Airways. Si on compte les éditeurs, les acteurs, les traducteurs, les universitaires. Et donc, tous ces gens-là qui sont des scholars, eh bien, ils sont affrontés à un super scholar, à quelqu'un qui ne cesse de les occuper, qui ne cesse de leur poser des questions dérangeantes. Et donc, Shakespeare n'est pas n'importe quel bonhomme. En effet, alors, un roi de neige, voilà, un bonhomme de neige, c'est-à-dire qu'il fond dès qu'on veut l'attraper. J'ai adoré cette citation de Richard II, parce que « Que ne suis-je un simulacre ? un roi de neige. J'aurais pu mettre cela, bien sûr, en exergue de ma propre hypothèse, puisque il s'agit d'interroger un mirage. Moi, je dis un spectre, parce que « to be or not to be », c'est évidemment la maxime du spectre, mm-hmm. être et ne pas être à la fois. Donc finalement, on reste dans la littérature. Dans et le jeu. Votre ouvrage est aussi peut-être un ouvrage de littérature. C'est pas un roman, mais c'est une hypothèse frayée pour tendre aux scholars, enfin aux gens qui travaillent sur Shakespeare, le soupçon que peut-être ils se trompent d'identité et de personnage, comme Shakespeare lui-même a pratiqué le jeu sur les identités. Merci beaucoup Daniel Bougnou d'être venu exposer votre hypothèse concernant la paternité des pièces de Shakespeare. Cette hypothèse, elle est à découvrir dans votre livre Shakespeare, le choix du spectre, paru en 2016 aux éditions des Impressions Nouvelles. Vous exposez également votre point de vue dans l'ouvrage collectif intitulé Shakespeare, combien de prétendants aux éditions Thierry Marchès. La semaine prochaine, nous nous glisserons avec volupté dans l'une des 200 chambres ou des 200 salles de bain de l'écrivain Valérie Larbeau. Mais tout de suite, on retrouve la poésie par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. C'est la semaine à Jean Portante et pourtant, passant à la librairie où nous l'avions rencontré, hein, il présentait, je me souviens, Marie-Claire Bancard pour Figure de la Terre. Eh bien, nous nous sommes arrêtés à « Chanson du Seuil », publié chez Corti. Ce sont des poèmes de Peter Gizzi, à peu près de la même génération. Écoutez, il définit sa chanson par une note sur le texte. « Les bons poètes défient les choses avec leur cœur. C'est ainsi qu'un fragment pénètre les gens. Ne dis pas beauté, dis tous ceux qui sont beaux. Dis les gens. » Dit que c'est grâce au chant qu'écrire pénètre les gens. Les images et leur amour de la nature, fleurs saturées. Ce lieu de décharnement, voici ma chanson. Le seul recours du soleil, même ses moindres syllabes, peuvent être semées dans la bouche. C'est sur la langue que le soleil demeure. Deux syllabes ceinturées à chaque extrémité. Pour étirer les effets de la voix, son fil comme de lin. Oh, pas facile à dire, ça. C'est comme du lin, quoi. Comme du lin. Son fil comme de lin. Voile grise, dit l'autre poème, justement. Voile grise. Si j'étais un bateau, je chavirerais sans doute. Si j'étais une prière. Si j'étais une douelle de bouleau, une barque de bouleau. Si j'étais un bouquin, je chanterais dans la rue, seul au milieu du trafic. Si j'avais une toge, je pourrais être un héros à la crinière fleurie. Si j'avais un bateau, je mangerais un sandwich dans la lumière étourdissante. Je rendrais des visites tel un livre saint si j'étais un bateau, si j'avais une prière. Curieux ce Peter Gizzi, c'est un poète américain né en 59. Il est l'auteur de L'External, paru aussi chez José Corti. Tiens. Fragment. Quand tu te réveilles pour constater qu'il y a des briques devant la maison. Quand tu acceptes ce monde fait main. Quand tu te vois dedans et acceptes son image. Quand tu sens la planète tourner, accélérer, tout réduire en poussière sous ton lit. Quand tu dis je veux vivre et que la lumière qui se brise brille vers l'intérieur. Quand tu éprouves la vitesse des jours, la vitesse de la lumière. Si quelqu'un pouvait avoir une vision autant que ce soit de toi, que ce soit une pensée interrompant ta perspective. Et nous retournons à Jean Portante, comme du sel sur une hache, dit-il dans la tristesse cosmique à propos de Ossip Mandelstam. Quand l'étoile a frappé à ma porte, j'ai comme Paz longtemps hésité entre la hache et la danse. Mais tu as insisté tant l'hiver était intense, et était intense aussi le froid de l'étoile, sur la lame on aurait dit de la neige, mais c'était du sel. J'aurais pu alors à la nuit tomber, m'habiller de lune, ne serait-ce que pour découper l'une ou l'autre tranche de l'ombre sévissant dans tes yeux, ou te cacher la beauté de quelqu'un, brin d'herbe échappé à la glaciation. Ton souffle sur le pas de la porte était une lame de froid que l'air figeait, avec au centre, comme un noyau de peur, la force centrifuge qui te coupait les mains. Merci Jacques Bonafé, vous lisiez des poèmes de Jean Portante.